J'ai un synthé qui déconne. Il y a un problème avec mon synthé. Qu'est-ce qui se passe ? Faut que je mette un pot avec... Comment il s'appelle ? Zenouk. Zenouk. Attends, j'enlève mon métronome. Je vais me caler sur toi. Ça résiste pas, Zanuck. Et où l'autre accordéon ? un accordéon parisien. C'est mieux l'autre son en musette, hein, l'autre. On va boire et après on va naviguer. Oula, oula. I'm sorry. Je vais en l'affaire. Amsterdam. Moi, je voudrais faire une dédicace à Jean-Pierre Oleg. Jean-Pierre Oleg. Un jour, je crois que je vais lui offrir un petit synthé parce que j'en ai plein dans ma cave. Juste pour qu'il ait d'autres sons, le pauvre. Il a un pauvre D10 avec des touches cassées. Thank you. cette chanson là. Ça s'appelait ce truc. Mon ordinateur, il rame. On est déjà en septembre. J'ai trouvé. De barbarie, je me rappelle plus. C'était pas Migli. Lashkumun, je crois. Lashkumun.